enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! On va pas faire comme à la radio. Salut, bonsoir et à bientôt. On va pas faire comme au ciné, un scénario un peu raté. On va pas faire comme à la télé, avec des amours qui ont glissé. On va pas faire une vidéo, maintenant qu'on va vivre en solo. Attends, j'ai encore des choses à dire. Je ne suis pas ton souvenir. On va pas faire un photoroman, un peu débile et pas marrant. On va pas faire, comme dans les journaux, une tragédie un peu porno. On va pas faire un best-seller avec l'histoire de nos galères. On va pas faire comme dans les polars, se tirer dessus à coups de pétard. Attends, j'ai encore des choses à dire. Je ne suis pas ton souvenir. On va pas faire comme à l'opéra, une chanson triste pour toi et moi. On va pas faire une symphonie en si bémol, tout est fini. On va pas faire comme les Oscars, un spectacle pour les ringards. On va pas faire tomber le rideau sans entendre les bravos. Attends, j'ai encore des choses à dire. Je ne suis pas ton souvenir. On va pas faire comme les ministres, dire des conneries aux journalistes. On va pas faire comme les gendarmes, vendre à Dieu nos états d'âme. On va pas faire comme les militaires, se torturer au nom de la guerre. On va pas faire comme les poulets, se tabasser, s'interroger. Attends, j'ai encore des choses à dire. Je ne suis pas ton souvenir. On va pas faire un référendum pour élever notre petit bonhomme. On va pas faire une tragédie où l'on meurt, on applaudit. On va pas faire comme les peintres, barbouiller nos étreintes. On va pas faire du show business avec nos histoires de fesses. On va pas allumer les projecteurs aux couleurs de nos malheurs. On va pas brancher la sono pour baver dans un micro. On va pas faire jouer les violons sur l'histoire de nos passions. On va pas faire comme des maquilleurs, mettre nos gueules en valeur. On va pas faire comme les nuits noires, supporter tous ces ringards. On va pas faire comme les riches, se déchirer pour une affiche. On va pas faire comme Belmondo, craquer du doigt, tourner le dos. On va pas faire comme un comédien qui répète seul dans son coin. On va pas faire semblant de s'aimer, pour pluriel, pour singulier, pour singulier. We'll be right back. Bonjour, toi, mon ami. C'est KRLien, c'est KRLienne. Je vous souhaite une très belle soirée. 2 heures de véritable bonheur avec un invité que j'ai adoré rencontrer. Mais avant de s'exciter le tympan, l'opacité des nuages détermine le séjour partiel du soleil dans un ciel où le septième reste l'étage suprême. Valoriser la floraison n'exclut pas... Qu'est-ce qui se passe, mon Raymond? C'est parce qu'il y a eu comme une sorte... Vous montez un bateau, M. Grenier? Non, comment ça, non? Vous montez un bateau, M. Grenier? Un bateau? J'ai même pas gossé un goéland. Comment je peux faire un bateau, toi, là? Inculpe-moi pas d'intensité outrageuse. Je ne suis qu'un incompétent dans cette société qui ne demande que je lui attribue un peu d'argent pour vivre davantage de mes gains. Comme disait Regain, non, c'est Degain, Degain, Degun, Degun, Begun, Tébégun, Tébégun, Tébégun, Tébégun, Tébégun, Tébégun. Ben oui, c'est ça. Hey, toi, mon champion numéro 17, 53, 28, complémentaire 2. Peux-tu me le peux-tu? Pouvez-vous, mon cher ami? Pouvez-vous? Ben oui. C'est beau d'être derrière la cravate et de divulguer des sensations étranges dans une population où tout est chaotique. J'entends le pinson sifflotant dans mon oreille. Laisse-le faire. C'est un imbécile. Oui, mais un pinson, ça ne sifflote pas ça. C'est pas un perroquet. Un perroquet, sa perruque. Comme Juliette Gréco, les cheveux du... Hey, ça, c'était bon, la semaine dernière. Les cheveux de Juliette Gréco. Ouais. T'as manqué ça, toi? Va télécharger l'émission la semaine dernière. C'est bien plus intéressant que cette semaine. T'es bon, toi? L'invité que j'ai rencontré, moi, là. Mon ami, mais en tout cas, mon ancien ami. Qui est là devant sa petite radio. Parce qu'il a tout laissé sur son album. Là. Il a tout donné, son argent. Il compte sur moi pour monter sa population. Monter quoi? Je sais pas. Monter un bateau. Lâche les bateaux. Tu vends toi d'un goéland. Ben oui, c'est ça. Hey, toi, là. Commence pas à pomper le ponteux. Ponqueux, pompi, papa. Imaginez. Victor Reglo, exhibitionniste à la fin de son existence. Ça, c'est un message entre moi puis elle. La pluie descend les braguettes météorologiques et fait monter les parapluies avec ou sans Mary Poppins. Poppins, pas pire, hein? Pas pire la Poppins! L'éternelle étincelle existentielle nous éblouit. Que cette fluide lumière nous éclabousse autant qu'hier. Tu veux que je le répéterai? Tu veux que je remédierai? Tu veux? Ben oui, c'est ça. Tu veux pas que je le remédierai? Toi, là, mon auditeur? Ben oui, c'est ça. Bon, c'est un... Je tiens à avertir toute la population québécoise et francophone du monde entier. Que lui, c'est l'avocat du diable. L'avocat du diable. Bon, je vais vous donner son courriel. Envoyez-lui des parchésies, là, par chez lui. Il aimerait bien recevoir des choses étranges, là. Des messages, ben oui, c'est ça, ben oui. Avec des figures de des petits bonhommes, là, des icônes, là, n'importe quel personnage, là. Excusez. Il aimerait bien ça avoir ça, lui. L'éternelle étincelle existentielle nous éblouit. Que cette fluide lumière nous éclabousse autant qu'hier. Merci. Vous voulez le phoque? Ça, c'est mes deux grands succès. quand on me demande, ah ouais, rappelle Jeanne, rappelle-la, elle voudrait peut-être te revoir, là. Ça va tellement mal dans sa vie, continue. Les vacances cassent le quotidien et laissent déraper l'imprévisible. Pas pire. À force de tenir dans ma main des enfoirés, dans les quartiers où domine l'irrespectabilité, petit, viens voir mon oncle Rénal, petit. Quand on dit une tête d'oiseau, ça veut-tu dire que c'est intelligent plus que moi, cette affaire-là? Petit. Amène-moi du pain. Amène la baguette. Pas la baguette pour le frapper, la baguette. Petit. Ah, c'est bon, ça. Ah, plutôt. Non, c'est pas pour madame. Non, c'est pas à vous que je... Non, je dis petit. Je n'ai pas dérangé pour rien, là. C'est 20$. C'est même beau. Non, j'ai pas dit put. J'ai dit petit. Peux-tu avoir la paix, moi, là? Peux-tu parler aux oiseaux, s'il vous plaît, madame? Bon, vous donnez 20$, là, mais... Sustentez-vous. À force de tenir dans ma main des enfoirés, dans les quartiers où domine l'irrespectabilité, à force de juger les crémeux balfamés. Non, c'est quoi? Al Pacino. Balafré. À force de juger... Hein? Non, mais cinématographiquement parlant, ça parle, hein? Ça parle. À force de juger les crémeux balfamés. Balfamine! Balfamine! Appelle la vermine, s'il vous plaît. Ro. Souris donc la vie. Pardon? OK. À force de tenir dans ma main des enfoirés, dans les quartiers où domine l'irrespectabilité. OK, arrête donc. C'est un texte trop compliqué pour mon intelligence actuellement. C'est niveau 3, voilà. Ça, c'est niveau 11, hein? À force de tenir dans ma main des enfoirés dans les quartiers où domine l'irrespectabilité, à force de juger les crémeux balafrés, j'aurais oublié de leur dire. Oh yeah. Ira. La page blanche ne change rien à la mémoire, car un jour, elle noircira de souvenirs un passé restitué. C'est pouvoir. Allez, on va couper ça, couper les liens. Ouais. Couper. Parce que ça peut être rempli de virus, là, quand on reçoit des courriels. Et surtout quand on dit enjoy, enjoy. En tout cas, quand t'es pas bilingue et tu reçois des affaires blédingues, tu dis voyons donc, prends-tu pour un épi? Et puis c'est ça, je réponds pas, moi, là. J'ai de la difficulté, je fais de la crampe sinusale. Moi. Ouais, c'est-à-dire que ça. La saveur des. Ouais, l'érable hier coule. Voilà. Pour les connaisseurs, là, les rouleaux de pitounes, sur le fleuve Saint-Laurent. Ah ouais, là-bas, sur le Saint-Laurent. Ah ouais, là-bas, des parents. Avec toujours mon Ferland. Avec toujours mon Ferland, dis à mon Jean-Pierre Ferland, si ton petit roi est mort, tu verras. Tu prendras le mort, le mort aux dents. Ah ouais, là-bas, sur le Saint-Laurent. Ah ouais, là-bas, sur le Saint-Laurent. Hein? Ah ouais, tu bonjour, mon Ferland, Jean-Pierre Ferland. Et si tu sur. Attends un peu. Si un jour sur ta route 11, tu vides un 41. Au loin, tu te sentiras tout seul comme Jean-Pierre Ferland. mon petit Jean-Pierre Ferland. Ah ouais, demain, c'est malheureux. Ah ouais, demain, c'est malheureux. Ah ouais, petit Jean-Pierre Ferland. Attends-toi, petit gars. Quand ta femme te dit c'est un enfant, ben oui. Ce sera peut-être le petit dernier. Le petit dernier de la femme d'à côté. Là, comment dire ça? Hein? Ah ouais, là-bas, c'est leur... Hein? Allez, tu dis, on va faire l'un. Et Jean... Non, Gilles Vigneault dit pas, hein? Il dit, pardon! Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon château, ce n'est pas un château. C'est Québec. Québec, c'est mon pays. Mon pays à moi. Merci. Hey, c'est mon invitation de... Hein? Ah ouais, t'es content, Jean-Pierre Laurent. Ah ouais, les bras sur le Laurent, Jean-Pierre Ferland. Attention! Une autre sphère à polluer. Aux informations ce soir. Bienvenue. Nous recevons une dépêche. Ah ouais, amène-moi ça, dépêche-toi. Ah ouais, dépêche, on a dépassé le temps. On a dépassé le temps. Le cul sur le bon sur le Laurent. Ah ouais, on a passé le temps. Le temps. Le temps, c'est de l'argent. L'argent, la maudite argent. Quand on a du foin, ça va bien. Quand on n'en a pas, ça va pas. Quand on a du foin, ça va bien. Quand on n'a pas, ça va pas. J'ai rencontré la petite Réjeanne qui me dit « Tu devrais suivre un régime. » Mais dès que tu penses que c'est bon, c'était bon. L'improvisation, chanter. Chanter. Chanter pour mieux me taire. Mon grand succès. Attention, une autre sphère à polluer. Kipper. Non, pas Flipper. Hey, Flipper! Flipper. Toi qui nage dans l'océan, dis-moi qui est le plus grand? Le fleuve Saint-Laurent ou Kipper 45 2B? Bingo! Hey, touche pas ta carte. Oui, touche pas ta carte. Ta carte, c'est ton pays. Ton pays, c'est le Québec francophone. Vive le Québec! Vive, je sais pas qui, là, mais vive. Vive le Nouveau-Brunswick. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Les bras m'inspirés d'une citation de Virginia Woolf. Ça, c'est un loup anglophone qui cherche une louve francophone, mais ils n'ont pas le même langage. Heureusement pour nous, ça ne s'accouplera pas. Accouplera pas ça, elle-là. Là. Non, non, au montage, on laisse ça de même. C'est numéro un. Mais... Garde-moi là la censure vient d'arriver. La semaine dernière, je pouvais comprendre à peine, là. Je parlais de mes enfants. Avez-vous téléchargé la dernière émission avant? Elle est tellement meilleure que celle-ci. c'est pas vrai. Mais là, on vient de surmonter une grande difficulté de notre siècle. C'est-à-dire faire le meilleur avec ce qu'il y a d'extraordinaire. Pas facile à faire, là. Oh, ben, pour certains, ben voyons donc, si tu parles un pimpin, là, si t'es aussi... Pourquoi tu fais pas autant de... Ben voilà, c'est voulu, moi, là, pour me rendre... pour me rendre. Puis comme j'aime bien me rendre au niveau, comme disait M. Landry, à hauteur d'homme. M. Labrec a fait un film sur M. Landry, à hauteur d'homme. Très, très beau documentaire. Dirigé, quand même. Dirigé. C'est pour ça que je l'aime. Mais on sent le travail. On sent beaucoup de préoccupations. Politiquement, là, je trouve, sincèrement, je devrais... Ben, madame... Non, j'ai pas dit madame, j'ai dit madame. Elle est enseignante en sociopolitique à l'Université Rochefoire de la métropole montréalaise. Vous cherchez votre écho? J'ai déjà dit, mais avec Gilbert, ben, il n'y a aucun problème. Moi, je connais tous les artistes. Eurapo, Crapo. Dans leur... vous savez, on appelle ça des rondelles. Pardon? Les hirondelles. Les rondelles, fais pas le printemps. Tu verras mon prince charmant. Tu chercheras ta cendrillon. Mais elle-même n'a pas de polisson. Elle préfère les libellés du petit gars d'à côté qui, avec sa transame, dérape, madame. Il dérape, madame. Pour lui demander de l'aide financière. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant Gagné. C'est une émission totalement normative qui rejoint... Bien sûr, une certaine hiérarchie. J'aime tellement dire ça, le mot hiérarchie. Hiérarchie. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques et cathodiques, quoique sur Internet, si on n'est pas cathodique, on n'est plus catholique. Là, on regarde des sites, on fait Rouen, on se retrouve même pas à Rouen-Noranda, là, on se trouve parmi les Rouen. Ah, mon Seigneur, là, t'es obligé d'aller 2 semaines en retraite fermée pour te la fermer. Hein? Imaginez-vous, les rentrées canadiennes, si elle se la ferme la bouche, l'émission, ça risque d'être bien meilleur, je sais. Oh, on est comme ça, nous autres. Hein? On aime faire supplier notre... Hey, s'il te plaît, s'il arrête! On s'arrête. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, Madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 21 août 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement extraordinaire, enveloppons-nous autour du grand auteur, compositeur, interprète, grand dans tous les sens, mon ami Florent Nouvel, alias Flo-Flo. Florent Nouvel et son personnage Flo-Flo a obtenu une aide Paris Jeune Talent en 2010. Il s'est fait accompagner par son projet par le coach de Philippe Albert, fondateur, bien sûr, de Chantier des Franco. De nombreux artistes de presse, Le Monde parisien, Le Monde tout court, et ainsi que des émissions de radio et de télévision ont relayé le succès de sa chanson « Le Vélibération hein? ». La Vélibération. Oui, quand tu te loues un vélo, le Vélib. Alors, la Vélibération, c'est un jeu de mots. France Inter, France Bleu, Oui FM, RTL, même RTL, CKRL maintenant en parle de la Vélibération. Un clip de la chanson tourne sur le net en France et à l'étranger. À l'étranger, c'est ici, là, c'est à Québec. Sur les plaines d'Abraham, Florent chante dans divers salles chaleureuses. Mais, encore plus extraordinaire, en juillet 2015, Errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour discuter avec lui la preuve. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe. Et pourtant, elle était belle, les clés.

C'est Total Loup qui est compté ses amis sur une main, oui ça suffit. N'osant pas déconnecter, je coche relation compliquée. Oh, et puis je dis à la terre entière, Florent est célibataire. Voilà que j'étale sur la toile mon état matrimonial et que je guette le commentaire. Alors Flo Flo, libre comme l'air, quittez Facebook. C'est Total Look, balancer ses amis et reprendre sa vie. Quittez Facebook. C'est Total Look et compter ses amis sur une main, oui ça suffit. C'est pas gardé en secret, toute ma vie il la vendrait à des marketeurs idiots qui prennent l'humain pour un McDo. Pour un peu que je me fasse virer, quand sur mon boss j'ai craché, en plein dans le mur, ouais j'ai foncé. Allez Facebook, on va casser. Quitter Facebook, c'est Total Look, balancer ses amis et reprendre sa vie. Quitter Facebook. C'est Total Look et compter ses amis sur une main, oui ça suffit. Mon amour, je t'ai quitté sans vraiment te déserter. C'est de moi que je crains le pire, t'es le miroir de mes désirs. J'aime encore ta liberté, celle que tu fais souffler en Tunisie ou bien au Caire. Facebook mon révolutionnaire, faire de Facebook un nouveau look. Faire que tous ses amis osent reprendre leur vie. Faire de Facebook un nouveau look et tendre à ses amis juste une main, oui ça suffit. Faire de Facebook un nouveau look. Faire que tous ses amis osent reprendre leur vie. Faire de Facebook un nouveau look et tendre à ses amis juste une main, oui. Juste une main, oui, ça suffit. Excusez-moi, Nota. Excusez-moi, Tota. Hop! Excusez-moi, Nota. Hop! Excusez-moi, Tota. Excusez-moi, Nota. Excusez-moi, Doc. Pas m'emmerder. Non mais ça dépend. Il y a un moment où je sens que je suis au bout du truc. Tu sais, c'est comme quand je sais pas, quand t'as trop aimé. Il y a un moment où tu dis ça suffit. Ou tu mets côté. Ouais, soit je te laisse reposer. Tu sais, en te disant ça va. Maintenant, avec les années, je suis beaucoup plus serein. Ça m'angoisse moins. Avant, j'étais inquiet, même quand j'écrivais pas pendant. J'ai toujours des idées toute l'année. Mais des fois, je travaille pas. Enfin, je travaille pas au sens, je n'écris pas, comme je te disais tout à l'heure. Mais ça m'angoisse. Enfin, avant, ça m'angoissait énormément. Je dis merde, c'est fini. C'est fini. Ouais. Dieu secours, tout ça, c'est plus possible. Et en fait, bah si, il y a des temps, il y a des moments. Faut pas presser l'orange. Il faut laisser venir. Bah, faut aussi. Faut aussi laisser venir. Faut pas. Ça sert à rien en fait d'avoir peur. Mais bon, ça prend. Ouais, il faut se confronter. Peut-être avec les années. Voilà, il faut se confronter des fois à son truc, à se dire qu'est-ce que j'ai été con là, à m'angoisser,

on va faire en one shot, quoi. C'est ça la chanson. Tous les musiciens, tout le monde. C'est ça la vraie chanson, je disais one shot, quoi. Le mec, il disait, t'es fou et tout. Ouais, ouais. Je disais, alors, non. Alors, oui, parce que lui, il a enregistré tout, et même l'orchestre symphonique et tout. T'as quelques vidéos de ça, c'est extraordinaire. Alors, on a vite. Mais il y avait des cases, les musiciens, ils étaient casés, lui, il était dans sa case. Voilà, c'est ça. Mais tout le monde jouait ensemble. Ouais, c'est quand même. Ils étaient dans le mouvement du présent, tu vois, dans le présent. Tu vois qu'aujourd'hui, hein, quand on entend certains chanteurs professionnels nous dire, ah ben, cette année, j'ai voulu faire un album un peu plus chaud, un peu plus direct, un peu plus concert. Donc, j'ai fait jouer les musiciens en même temps. Mais Brel le faisait bien avant. Donc bien sûr. Il savait qu'il y avait un mouvement qu'on ne pouvait pas recréer avec instrument par instrument. Bien et c'est sûr que si tu es un fou de la technique, que tu veux travailler tes violons, tu veux travailler ta guitare, là, tu vas prendre track par track. Mais c'est sûr. Mais quand tu es un individu vivace qui veut que ça joue, que ça vive, quoi. C'est ça, dans voilà. Voilà. Et au début, j'étais très comme ça au début. Après, des fois, tu te rends compte, parce que j'étais un peu déçu aussi des fois. Je dis, tu vois, la force, ce qui se passe sur scène, c'est justement cette instantanéité du moment et tout. Je dis, mais en fait, en studio, il faut aussi trouver une autre manière de chanter. Une autre énergie. Ouais, quelque chose d'autre. Les gens n'ont pas le corps en disque. Il n'y a pas le corps. Hein. Je suis un homme public, au sourire sympathique. Un petit homme politique complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi. En gage de ma bonne foi, j'étale tout ce qui est à moi. On m'a dit de me calmer, mais je peux pas m'empêcher. La 1, la 2, la 3, vous ne m'échapperez pas. Sur votre vélo basket, admirez la starlette. Je suis un homme public, au sourire sympathique. Un petit homme politique, complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi. J'incarne la République, il faut pas énerver. Avec moi les comiques, va falloir la fermer. Caricaturer, c'est devenu mon métier. Allez, casse-toi pauvre con, va continuer ta chanson. Je suis un homme public, au sourire sympathique. Un petit homme politique, complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi. Ma taille, c'est pas ça, mais regardez ma nana. Y'a ma grande Carla, Cécilia, j'en parle pas. En Chanel ou en Dior, elle fait péter le score. Enrico, c'est à toi, la France te suivra. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les femmes de Sarkozy. Oh, zaï, zaï, zaï, zaï, zaï, mes frères. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les femmes de Sarkozy. Oh, zaï, zaï, zaï, zaï, zaï. Moi j'ai la solution pour sauver la nation. Un bon bouc émissaire, c'est bien mieux qu'une bonne guerre. Les Roms, les étrangers, vous êtes bien tombés. Allez, faites décoller ma popularité. Je suis un homme public, au sourire sympathique. Un petit homme politique complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi. Mais est-ce qu'un homme public doit jouer avec le fric? Un petit homme politique brader la République. Est-ce que c'est de la démence ou bien l'état d'urgence? J'ai pas de certaine idée de la France, moi. Il est tout à fait vrai, je dirais que c'est ma raison d'être, que depuis toujours et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand. Oh, je suis un homme public, au sourire sympathique, un petit homme politique complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi. C'était dans le temps du calumet, j'étais couché chez Dave Duvet. Sur son vieux divan, j'avais 24 ans. Fait que j'étais chez Dave, pis là j'ai fait un rêve. Pis là dedans mon rêve, j'ai serré la pince de chemin. Dans un salon magique, plancher mou, plafond flou, pis des pianos partout, partout, partout, partout. Il était planté là, dans la porte d'entrée. En habit long, ben chic. Face de tout, œil de fou, pis l'air solennel de me dire bravo, bravo, bravo, vous. J'ai rêvé ça. Il me regardait dans le fond du blanc, les yeux intenses comme un sergent.

tu vas attirer aussi les gens vers ta flamme, bien le public. Parce que les gens ont besoin de, ont besoin d'énergie, ont besoin c'est de ça. Partir avec quelque chose. Et les musiciens, ils ont aussi besoin de ça. Enfin, tu vois, enfin, je trouve en tout cas, au-delà d'un rapport contractuel, bonjour, je m'appelle Robert, je suis ton guitariste, on va signer un contrat pour que tu gagnes de l'argent. Tu vois, mais je parle pas de ça parce que eux, ils sont pas enrichis grâce à moi. Ils doivent se penser l'osmose. Voilà, ils doivent avoir envie. C'est une question de désir en fait. Hein. Et tu dois leur donner. C'est comme voilà. C'est comme une histoire amoureuse. Mais c'est sûr, l'amour, ça se, l'autre donne envie aussi. Ouais. C'est mutuellement, le désir se crée aussi, tu vois. C'est et voilà, et l'autre se donne envie de toi, de ce qu'il est, de, voilà, et le désir, c'est pas simplement je te désire, c'est aussi l'autre qui fait en sorte d'aller chercher ton désir. Ouais. Enfin, avec ce qu'il est, il va de là. Et donc, en l'occurrence, là, c'est ça. Ils m'ont dit, je pense qu'on peut apporter quelque chose. Alors, au début, c'était compliqué parce qu'il fallait se glisser dans cette espèce de structure un peu mécanique. Ouais, que j'avais au piano, parce que c'était un peu une pompe, tu vois, une pompe à la Brassens, quoi, tu vois. C'était un peu chiant, faut être honnête, musicalement, tu vois, je veux dire. Et là, progressivement. C'était les mots qui prenaient. Voilà, les mots, le spectacle. Ouais. Et progressivement, tu vois, le premier CD, il est live, pas par hasard, ouais. Tu vois. Et là, progressivement, ils m'ont proposé des... On est allé doucement sur scène ensemble, ça s'est fait doucement, tu vois. Comme une histoire d'amour au début, quand tu prends tes repères un peu, ah, tiens, ah bon, ah, ça peut se passer comme ça, ah ben c'est bien. Ou alors, ah non, moins. Et puis là, à ce moment-là, j'avoue que j'ai aussi appris à leur laisser de la place. Parce que quand tu es tout seul derrière ton piano, dans tes petites salles, tu prends toute la place. Et en fait, ça a été aussi un apprentissage à laisser de la place à l'autre. On avait mis l'après-midi à installer tout le fourbi. Mais maintenant, c'était chose faite, à nous la joie de l'Internet. Bien que j'étais récalcitrant, elle avait mis tous ses talents pour me faire comprendre que sans ça, on peut toujours vivre dans les bois. Tout avait si bien commencé. On cherchait les heures du ciné. On avait même fait des enchères pour un cadeau de la fête des mères. Mais il a fallu que ce soir elle se fasse une copine partie, qu'elle me laisse devant l'écran noir avec la main sur la souris. Devant l'écran de l'ordi, il me vient des envies. La main sur le mulot, ça me donne un petit coup de chaud. Devant l'écran de l'ordi, il me vient des envies. La main sur le mulot, j'ai des frissons dans le dos. Ça a été plus fort que moi, attiré par je ne sais quoi. J'ai tapé quatre lettres en diablé. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui ai essayé. Je prends une mine décontractée, bien que je frôle les 40 degrés. Je suis même très étonné par l'offre diversifiée. Je clique sur la première venue et je deviens fou, je me contrôle plus. Juste avant de réaliser que sur mon écran tout est bloqué. En gros plan la fille sourit, mais moi j'ai plus du tout envie. Vous me voyez dire à ma chérie, j'ai mis un fond d'écran funky. Devant l'écran de l'ordi, il me vient des envies. La main sur le mulot, ça me donne un petit coup de chaud. Devant l'écran de l'ordi, il me vient des envies. La main sur le mulot, j'ai des frissons dans le dos. Au gros problème, les gros moyens, et pris de peur, j'ai tout éteint. Mais la blondasse est revenue sur mon écran, toujours toute nue. J'appelle alors, pris de panique, mon pote roi de l'informatique, pour qu'il vienne me sauver des griffes d'une blonde siliconée. Je vois mal mon amour commenté, mes fantasmes à peine assumés. Ok, pour faire ça dans un bus, Florent, mais de là à te parler en russe, c'est non. C'est à cet instant qu'elle surgit, qu'elle me voit nue devant l'ordi, le téléphone mon oreille, la blonde dans un simple appareil. Devant l'ordi, chérie, la main sur le mulot, ça me donne un petit coup de chaud. Tu vois, devant l'ordi, chérie, la main sur le mulot, j'ai des frissons dans le dos. D'un coup, je la vois qui éclate d'un rire qui, je l'avoue, m'épate. Moi qui pensais qu'elle piquerait une crise dont elle a le secret. Depuis cette nuit agitée, la blonde veille sur notre écran et elle nous donne quelques idées pour nos nuits au mille mouvements. Devant l'ordi, chérie, suivons nos envies. La main sur le mulot, ça donne un petit coup de chaud.

il conviendrait de ne les connaître que disponibles. À certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous. Avec des problèmes d'hommes, simplement. Des problèmes de mélancolie. Alors on boit un verre, en regardant loin derrière la glace du comptoir. Et l'on se dit qu'il est bien tard. Qu'il est bien tard. Richard, encore un petit pour la route. Eh, monsieur Richard, encore un petit pour la route. Encore un petit. Allez, Richard. Mon livreur de pizza n'est pas là. Il a dû se garder mes anchois. La filer sur sa mobilette par la porte de la Villette. Il a compris que la vie c'est pas faire des pizzas sans feu de bois pour une compagnie qui se fout. Savoir qu'il est un peu à bout. Il a même pas enlevé sa casquette rouge fusée. Que doit porter tout le monde? Tous ces goûts de vent, l'immonde. Mais mon livreur de pizza n'est pas là. Il a dû se garder mes anchois. La filer sur sa mobilette par la porte de la Villette. On lui avait fait miroiter. Ça fera de toi un inséré. Et puis tu deviendras manager, ouais. Pour noyer les autres dans leur sueur. Bien que sa mère voulait pas, il a quitté tout ça. Il cueillera dans les champs un bouquet pour maman. Il est sympa, ça te fait rire toi, mais c'est romantique cette chanson. Mon livreur de pizza n'est pas là. Il a dû se garder mes anchois. La filer sur sa mobilette par la porte de la Villette. Fallait surtout pas perdre de temps. Pas de politesse sans argent. Pour être le meilleur des livreurs, c'est pas le sourire qui rend vainqueur. Plus de boulot pour de bon. Le voilà sans un rond. Trouvera peut-être en chemin un boulot plus humain. À ce moment-là, j'ai trois fins possibles. Alors vous prenez vos portables et vous envoyez au 6100. Reste. Sa panne sèche le guide dans un garage humide. Où un vieux sans enfant lui donnera des talents, du boulot pour 100 ans. Alors bon, elle est pas mal cette fin, mais elle me laisse un peu sur la mienne. Et moi je reste comme un con, sans ma pizza 4 saisons. Je lui ai fait cette chanson pour qu'il me ramène ma livraison, ouais. Et moi je reste comme un con, sans ma pizza 4 saisons. Je lui ai fait cette chanson pour qu'il me ramène ma livraison, ouais, pour qu'il me ramène ma livraison. Et puis, il y en a une dernière que j'ai faite spécialement pour vous. Mon livreur de pizza reviendra avec ma pizza sous le bras. Au 24 bis, il livrera, ouais. Et ensemble, on la partagera, ouais. Et ensemble, on la partagera. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Sans parole.